Chapitre 4e. Une visite aux tranchées. Nous passâmes la nuit dans une ferme où s'était établie une partie de l'état-major anglais et dont, par une prudence toute britannique, on ne nous fit connaître ni le nom ni l'emplacement exact. Sans être d'un confortable excessif, les chambres où l'on nous avait installés étaient munies de tous les objets indispensables et les lits étaient excellents. J'aurais assez bien dormi si par moments notre sommeil n'avait été troublé par le fracas des détonations. J'étais suffisamment familiarisé avec ce bruit pour me rendre compte que les obus de 77 et même les grosses marmites devaient pleuvoir dru comme grêle à moins de 3 kilomètres de notre hôtellerie improvisée. À la fin, je n'y tins plus. Comme le jour commençait à blanchir le ciel du côté de l'est, je sautai à bas de mon lit et après une toilette méticuleuse, je descendis dans la cour. Déjà une équipe de mécaniciens inspectait les autos où nous devions prendre place quelques heures plus tard pour nous rendre aux tranchées. Après un petit déjeuner très gai, dont un immense bol de café noir, du beurre et des œufs très frais formèrent les éléments essentiels, nous partîmes. En compagnie d'un officier interprète, dont je n'ai pas oublié la courtoisie attentive et prévenante, nous étions installés, deux autres confrères et moi, dans une de ces 90 chevaux silencieuses et rapides, spécialement construites à Birmingham pour le service du front. Nous suivîmes d'abord un chemin creux si profondément encaissé qu'il constituait à lui seul une tranchée naturelle. Là, certainement, personne ne pouvait nous apercevoir. On nous dit qu'une accalmie s'était faite dans la bataille. Les 77 et les 420 allemands, auxquels répondaient le 150 long, le long tome et les canons de marine anglais, ne tenaient plus que par intervalle. Sous le ciel pluvieux, nous apercevions maintenant, à l'abri d'une colline, un véritable camp avec des centaines de fourgons et de camions automobiles méthodiquement alignés, un long baraquement de bois, qui devait être une ambulance volante, un bâtiment plus petit entouré de retranchements de terre et de fascines, gardé par des sentinelles et qui était certainement un dépôt de munitions. Un minuscule chemin de fer partait de là, sur lequel des soldats poussaient des wagonnets lourdement chargés. « Cette petite voie, expliqua l'officier interprète, approvisionne d'obus 2 ou 3 de nos batteries de canons lourds que vous ne pouvez voir d'ici, bien qu'elles ne soient pas très loin, tant elles sont bien dissimulées, l'une dans un village en ruine, l'autre dans d'anciennes carrières. Dans un autre coin du camp, un régiment de Highlanders procédait à la toilette matinale et se lavait à grande eau, dans une auge de bois située au-dessous d'une pompe que les hommes en se relayant faisaient fonctionner à tour de bras. D'autres se rasaient gravement en se regardant dans de petits miroirs accrochés à un tronc d'arbre ou à un mur en ruine. Ailleurs encore, des cuisiniers circulaient portant des bidons remplis de thé bouillant qui ressemblaient à de gigantesques arrosoirs. Tous ces hommes avaient l'air aussi calmes, aussi tranquilles, que s'ils ne se fussent pas trouvés à 800 mètres à peine des tranchées ennemies. Après avoir contemplé quelques instants les 1000 détails de ce spectacle pittoresque, nous continuâmes notre chemin en profitant de l'abri relatif que nous offraient les hauteurs. Nous étions arrêtés à chaque instant par de longs convois de soldats vêtus de kaki, couverts de boue des pieds à la tête, se rendant aux tranchées ou en revenant. Mais tous, Anglais, Australiens, Canadiens, Écossais en jupe courte, Sud-Africains aux chapeaux mous ornés de rubans multicolores, magnifiques Hindous aux turbans blancs, portaient le signe distinctif de leur race, de leur comté, et quelques-uns même de leur famille. Nous vîmes même un détachement de peaux-rouges qui parlait encore le patois bas-normand que leur enseignèrent les colons français du Dominion. C'était comme une fresque grandiose, un pittoresque défilé de tous les peuples de l'univers accourus de tous les points du globe pour défendre la civilisation menacée par les barbares. Nous n'avancions plus maintenant qu'avec une extrême lenteur. Le sifflement de la fusillade et le fracas des explosions se faisaient plus précis et se rapprochait de nous d'instant en instant. Un quart d'heure après, nous faisions halte à l'abri d'une meule de paille. « On ne peut pas aller plus loin en auto, » expliqua notre guide. « Nous laisserons la voiture ici. Nous sommes presque arrivés aux tranchées de seconde ligne. Nous y accéderons par un souterrain qui est certainement une des choses les plus curieuses que je connaisse. » Nous nous trouvions auprès d'une ferme abandonnée où nous entrâmes. Dans la cour, sous un vaste hangar, étaient installées des cuisines roulantes. « C'est ici le point de départ, » nous dit l'interprète, « le ravitaillement. » En arrière des cuisines s'ouvrait une grande porte charretière qui donnait accès à un immense tunnel, grotte naturelle, une creute, comme il s'en trouve beaucoup dans l'Aisne et dans l'Artois. Sous 10 mètres d'épaisseur, cette trouée d'inégale largeur, en plein roc, conduisait aux premières lignes. Elle était peuplée comme une fourmilière. En de certains endroits, la crête s'élargissait et formait rond-point. Là, auprès de petites tables, à droite, à gauche, dans les recoins, les hommes jouaient aux cartes. D'autres parcouraient les journaux ou un livre, d'autres encore écrivaient à leurs parents. À la lumière des lampes portatives qui les éclairaient, je remarquai que toutes les figures de ces soldats étaient souriantes et résolues. « C'est la nuit que nous travaillons, » me dit notre guide. « Le jour, on se terre. Dès que la nuit vient, l'activité commence jusqu'à l'aube. Les tranchées alors s'ajoutent aux tranchées et les fils de fer aux ronces barbelées. » Nous continuons notre route pendant 800 mètres environ, mais le terme de notre course approche car on nous recommande « Maintenant, marchez sans bruit et parlez bas. » Nous voici au jour, dans un boyau où le chemin est par moments si étroit que les hommes sont obligés de se plaquer contre les parois pour nous laisser passer. Plus un mot, on marche dans le silence. Soudain, l'officier qui nous accompagne me saisit le bras et me dit à l'oreille « Par cette ouverture, regardez vite, droit devant vous, en face du poteau. » À 30 mètres à peine, j'aperçois une main dépassant le parapet de la tranchée allemande et l'instant d'après, le propriétaire de cette main qui se découvre peu à peu. À côté de moi, un Tommy a déjà braqué son fusil et le vise longuement, tranquillement, comme on vise une bête fauve à la chasse à l'affût. Un coup part, suivi de deux autres. Presque aussitôt, une balle passe en sifflant au-dessus de nous, manque son but et va se perdre dans les broussailles qu'elle effeuille. Après quoi, le silence retombe plus profond et aussi plus étrange. À la guerre, tuer ou être tué, c'est le dilemme fatal. À quelques mètres de nous, sont enfermés, enfouis plutôt, nos adversaires qui nous ont appris cette guerre de taupes, cette lutte hypocrite où l'on avance à la façon des termites et des vers rongeurs. Je pousse un soupir de soulagement lorsque l'interprète m'invite à rebrousser chemin. « Il ne faut pas croire, » me confie cet aimable cicérone, quand nous rentrons dans la zone moins dangereuse, « il ne faut pas croire que toujours les soldats qui se trouvent ainsi nez à nez se tirent dessus ou s'envoient des grenades. » À certains moments, on se distrait en se jetant des journaux roulés en boule et lestés d'un caillou. L'autre jour, ici même, nous vîmes arriver un chien porteur de ce message attaché à son cou. Prière de prévenir le caporal X du Xème régiment d'infanterie française du côté de Soissons que sa femme et ses enfants qui habitent Lens dans les lignes allemandes se portent bien et lui envoient leurs amitiés. Nous avons fait la commission. À ce moment, un cri que je retins en mettant la main sur ma bouche faillit m'échapper. En levant la tête, je venais d'apercevoir une saucisse en flammes. C'est de ce nom que les soldats appellent les ballons captifs qui portent les observateurs. De la nacelle, une masse noire venait de tomber. J'allais voir sans doute un malheureux s'abîmer sur le sol et une angoisse m'étreignit. L'interprète avait suivi mon regard et souriait. Pourquoi ? Une seconde se passa, terrible. Et alors, à la terreur, succéda la surprise. La masse noire que j'avais vue tomber comme un bolide se recouvrait à présent d'un parachute et lentement descendait, planant au-dessus de nous. Droit et immobile, un homme accroché à ce parachute s'en allait, poussé par le vent, atterrir dans la direction de l'arrière. Avec son flegme britannique, notre cicérone dit simplement « Nos appareils fonctionnent très bien. Nos observateurs sont habitués à ce genre de descente. C'est un sport comme un autre. » Malgré moi, je frissonne, et je ne reprends confiance que lorsque je me retrouve sous le tunnel. On est là, tout de suite, baigné de gaieté et de consolante sécurité. Soldats et chefs vivent en camarades. Ce séjour dans les tranchées, qui rend plus intime la vie des officiers et des soldats, leur inspire davantage l'idée de dévouement et de devoir. « Voyez-vous, » me dit l'interprète, lorsque nous sommes de retour à l'endroit où nous avons laissé notre auto, « à quelque chose malheur est bon. Notre vis-à-vis avec les Boches n'est pas près de se terminer. Si nous disions que nous en sommes enchantés, nous mentirions. » Mais c'est notre intérêt, à nous, les alliés, que la guerre dure longtemps. Plus elle durera, et plus on détestera les Boches. Et pour finir, conclut-il en souriant, je vous citerai un mot que j'ai lu dans un journal français, L'Écho des tranchées. Messieurs les Boches, nous resterons devant vous, face à face, jusqu'au jour qui viendra sûrement. Après nous avoir montré votre visage de devant, vous nous montrerez l'autre.